Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, les trois de West Memphis. Trois ados américains innocents incarcérés 18 ans parce que fans de rock, notamment. Un fait divers qui côtoie l'erreur judiciaire et qui symbolise les failles de la justice américaine. Le 5 mai 1993, en plein cœur de la Bible Belt, ceinture de la Bible, West Memphis, ville moyenne de l'Arkansas, est submergée par l'effroi. Et il y a de quoi. Trois enfants de 8 ans, Christopher Byers, Michael Moore et Stevie Branch, disparaissent. La dernière fois que des témoins les ont aperçus, ils jouaient sur leur vélo à l'entrée du bois de Robin Hood, non féerique, qui jure avec l'horreur de la découverte des corps. Le lendemain, trois petits cadavres nus, mutilés avec rage, retrouvés dans une eau vaseuse. Pour la police de West Memphis, pas de doute, il s'agit d'un crime sataniste. L'enquête, bâclée, guide les forces de l'ordre vers trois adolescents, Damien Eccles, Jason Baldwin et Jesse Miscellay, âgés de 16 à 18 ans. Prison à vie pour deux, couloir de la mort pour l'un. La justice se reproche aux trois jeunes de West Memphis leur goût pour le hard rock, leur amour de Stephen King et leur vernis à ongles noirs, les transformant en victimes d'une chasse aux sorcières, pour l'exemple. Notre invité aujourd'hui, Gilles Garrigos, journaliste et chroniqueur spécialiste musique pour Rock and Folk, entre autres, et pour New Noise Mag, aujourd'hui. Gilles Garrigos était à l'origine du site français de soutien aux trois de West Memphis. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mai 1993, 20h. La pleine lune surplombe le ciel de West Memphis, petite ville du sud des États-Unis, qui longe le Mississippi, plantée au croisement de la route East-West Interstate 40, qui relie la Caroline du Nord à la Californie, et la 55 Nord-Sud, qui connecte la Nouvelle-Orléans à Chicago. Seuls les routiers connaissent West Memphis, ville relais pour ses quelques motels, stations essence et fast-food. À l'angle de 14th Street et de East Barton Street, dans une maison de plein pied en plein quartier populaire, John Mark Byers, un bijoutier au chômage, appelle la police. À côté de lui, rongé par l'inquiétude, son épouse Melissa. Leur fils, Christopher, 8 ans, a disparu depuis 17h30 alors qu'il jouait dans le jardin. À 21h24, ce même 5 mai 93, un autre couple passe un coup de fil à la police de West Memphis, également depuis East Barton Street. Dans la maison voisine des Byers, Dan Moore affirme que son fils Michael, 8 ans, lui aussi a disparu. Pas de nouvelles depuis 18 heures, alors qu'il jouait à vélo dans la rue, avec Christopher Byers, le petit voisin recherché. À quelques pâtés de maison, c'est au tour de Pamela Hobbs de déclarer la disparition de son enfant, Stevie Branch. Lui aussi faisait du vélo avec les deux autres gamins quelques heures plus tôt. Lui aussi est âgé de 8 ans. La nouvelle de la disparition des trois enfants se répand comme une traînée de poudre dans ce quartier populaire où se côtoient mobil-homes et baraques insalubres. Alors que la police prépare ses recherches, les parents s'organisent, interrogent voisins, passants, lampe torche à la main. On pense d'abord aux voies rapides sur lesquelles les poids lourds défilent à une vitesse folle, mais selon les témoins, les garçons auraient été aperçus à l'orée du petit bois qui fait tampon avec les autoroutes. Surnommé Robin Hood par les mômes de West Memphis, ce bosquet traversé par un cours d'eau artificiel boueux est le terrain de jeu des petits et des ados. Mené par l'inspecteur en chef Gary Gitchell, la police de West Memphis ne s'y rendra que le lendemain matin, 6 mai 93. My name's Mark Byers. Mon nom est Mark Byers. Est-ce que votre fils est déjà arrivé auparavant ? Non, aucun des garçons ne s'est déjà enfui. Aucun des trois n'a déjà disparu ou a déjà été enlevé. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit en tant que parent ? Je suis tétanisé de peur. C'est clair et net, j'ai peur pour la sécurité et la santé des trois garçons. Depuis 8 heures du matin, sous la direction du Crittenden County Search and Rescue, la police quadrille West Memphis, mais aucun indice ne mène à Steve, Michael et Chris. À 13h45, l'officier Steve Jones aperçoit une tennis noire sans lacets qui flotte dans un fossé boueux qui se jette dans un canal de drainage. C'est une chaussure d'enfant. Alors il appelle ses collègues via sa radio. Arrivé sur place, le sergent Mike Allen y entre sans hésiter, en chaussure de ville. Au bout de plusieurs minutes, il parcourt le fossé à tâtons, immergé dans une eau opaque et vaseuse. Il tente d'extraire sa jambe. Et là, des bulles remontent à la surface. Et puis l'horreur. Un petit corps formant un arc, le visage face à l'eau, complètement nu, commence à faire surface. La scène de crime est immédiatement bouclée d'un ruban en plastique jaune sur lequel est écrit « Do not cross ». Okay. Where were these found, guys? Green one on the left side there, the red one on the right side. 231. 231. Le détective Bryn Ridge prend le relais et parcourt le ravin plein d'eau, au fond vaseux. Les mains dans l'eau, il sait qu'à tout moment il peut heurter un autre corps. Et de fait, il extrait de l'eau un bâton planté dans la boue entouré d'un tissu, un t-shirt d'enfant. Au même moment, le premier cadavre est sorti de l'eau. Aucun doute, il s'agit bien du petit Michael Moore, 8 ans, disparu la veille au soir. Le visage tuméfié, nu. Il a le bras droit attaché dans le dos à sa cheville, droite le gauche à la gauche, noué scrupuleusement par des lacets, l'œuvre préméditée d'un monstre. Le détective Ridge poursuit ses recherches dans l'eau. Il en sort d'abord la casquette de scout et le t-shirt du petit Michael Moore et le jean du deuxième disparu. Plus loin dans le ravin, alors qu'il lutte contre la vase, il parvient à dégager à l'aveugle un autre corps. Comme le premier remonte à la surface. Même nudité, bras attachés dans le dos à l'aide de lacets, les parties génitales exposées, c'est Stevie Branch. Quelques minutes plus tard, c'est celui de Christopher Byers, lui aussi visage enfoncé dans la boue, qui est découvert. Et la terreur atteint son comble quand l'inspecteur retourne au corps et se rend compte que l'enfant de 8 ans a été castré. Inspecteur Gary Mitchell traverse le bois et retrouve la foule agglutinée devant l'entrée de Robin Hood. Il se dirige d'abord vers les Hobbs pour leur annoncer le meurtre de leur petit garçon. Pamela, la mère, s'évanouit puis laisse échapper un hurlement déchirant de plusieurs secondes. Son mari s'écroule, genou au sol. Les images sont capturées par les caméras de chaînes de télévision locales. Et déjà se répand la rumeur d'un crime sataniste. Deux femmes auraient entendu des sons diaboliques en provenance du bois dans la nuit du 5 au 6 mai. Et le numéro de l'affaire donné par la police intrigue lui aussi. 93 05 0666. 666. N'est-ce pas le chiffre qui renvoie à l'Antéchrist ? Gitchell n'a aucun doute. Un rituel diabolique plane bien au-dessus du meurtre des trois gamins. Les interrogatoires des proches des victimes sont bâclés. Pire, le soir du crime, le manager du restaurant routier, le Bojangles, a appelé la police. Un homme couvert de noir et couvert de sang serait entré dans l'établissement pour se réfugier aux toilettes. Or, aucune enquête n'a suivi. Les autopsies menées par un certain Dr. Frank Peretti s'éternisent. Et le 26 mai, 3 semaines après le triple meurtre, l'heure du décès des enfants n'est toujours pas avérée et aucun suspect n'est trouvé. Jusqu'à ce que Jerry Driver, un éducateur, fasse part à l'enquêteur de ses suspicions et s'improvise expert en comportements occultes. Il connaît un ado qui remplit toutes les cases du profil type, le parfait petit sataniste, un certain Damien Nichols, 17 ans, déjà arrêté pour des faits de vandalisme. Un jeune gothique au visage poupin et aux cheveux noirs ébène, fan de Metallica et de Stephen King. L'ado habite dans une caravane dans le quartier de Lakeshore, le plus pauvre de Marion, ville voisine de West Memphis. Ses parents sont surveillés par les services sociaux. Jerry Driver, l'éduque qui se rêvait flic, propose alors à l'inspecteur Gitchell de se renseigner sur les proches de Damien Nichols. Après plusieurs jours d'enquête, jackpot. Le 7 juin 1993, un mois après le meurtre des trois enfants, un certain Jesse Miscalay, 15 ans, déclare à la police qu'il aurait assisté au meurtre des enfants, commis par Damien Nichols et son meilleur ami Jason Baldwin, 16 ans. Le rapport dit que Miscalay a dit à la police qu'Eccles et Baldwin ont violé un des enfants et ont mutilé sexuellement un autre comme l'étape d'un rituel de culte. Miscalay est cité comme n'ayant pas participé dans le viol et la mutilation, mais il aurait aidé à rattraper une des victimes qui essayait de s'échapper. Pendant une conférence de presse, l'inspecteur Gary Gitchell a dit que l'accusation contre ces adolescents était très solide. Sur une échelle de 1 à 10, à combien évaluez-vous la solidité de cette accusation ? 11. L'église du révérend Tommy, de l'église de Stacy, est en bas de la rue où les corps ont été trouvés. Il y a un an, Damien Eccles a déclaré au pasteur qu'il avait signé un pacte avec le diable. Jesse Miscalay est de ces ados que l'on pourrait qualifier de pauvres mômes de l'Amérique profonde. Il a été abandonné par sa mère à la naissance, après les diverses unions et désunions de son père, un mécano imposant rebaptisé Big Jesse. Le gamin a acquis une sale réputation de bagarreur. À 7 ans, avec son accent du sud à couper au couteau, il ne sait pas réciter l'alphabet après la lettre R. À 11 ans, des psychologues évaluent son QI et le classent dans les 4% des élèves de son âge au score le plus bas. Jesse Miscalay, gamin typique de la population White Trash, est approché après les meurtres en mai 1993 par une habitante de West Memphis, qui s'est portée volontaire auprès de la police du coin pour jouer la séductrice et se rapprocher du cercle de Damien Eccles. À force d'enregistrements infructueux, elle pousse Jesse à avouer à la police qu'il était témoin du triple assassinat. Alors le 2 juin à 9h du matin, le détective Mike Allen frappe à la porte du mobilhome des Miscalay. Après 12 heures d'interrogatoire, dont les enquêteurs n'ont enregistré que quelques fragments, Jesse désigne Damien Eccles, l'ado métalleux, et son meilleur ami Jason Baldwin comme coupable et s'accuse lui-même d'être leur complice. Le 5 juin 1993, à 22h30, Jason Baldwin, Damien Eccles et Jesse Miscalay, les futurs trois de Memphis West, comme on les appellera, sont arrêtés par la police. Il l'a frappé avec son poing et lui a fait un gros bleu. Et puis Jason s'est retourné et a frappé Steve Branch. Okay. Et il a commencé à faire pareil, mais l'autre s'est enfui. Michael Moore s'est enfui en courant, donc je l'ai pourchassé, je l'ai attrapé, je l'ai ramené à eux et je suis parti. Tu as vu quelqu'un avec un couteau ? Jason. Jason avait un couteau. Qu'est-ce qu'il a coupé avec le couteau ? Qu'est-ce que tu l'as vu couper ou qui ? Je l'ai vu couper un des petits garçons. D'accord, où ça ? Il l'a coupé au visage. Au visage, ok. 26 janvier 1994, une tempête glaciale s'abat sur la région de West Memphis. Mais pas de quoi dissuader les médias locaux, dont les camionnettes surmontées de paraboles envahissent le parvis du palais de justice de Clay County, dans l'Arkansas, car aujourd'hui commence le procès de Jesse Miscalay, 16 ans. À l'intérieur, la salle d'audience est pleine à craquer, la chaleur écrasante. Jesse est jugé séparément de Damien Eccles et Jason Baldwin. Arrivé escorté par des policiers armés jusqu'aux dents, Jesse, qui plaide non coupable, a ôté son gilet pare-balles. Il suit son procès, tête baissée. C'est le juge David Burnett, 52 ans, qui a été choisi pour présider l'audience. L'ancien officier de police qui a servi au Vietnam est décrit par certains comme un requin politique, par d'autres comme un homme fin et juste. Toujours est-il que Burnett revendique souvent et fièrement de ne pas croire en la psychologie. Pendant les 15 jours d'audience, il refuse toute demande de la défense, du moins, dès qu'elles peuvent mettre en doute la qualité de l'enquête de police ou les aveux de Jesse. C'est l'avocat Dan Steadham, nuque longue, qui défend Jesse. Alors qu'il était convaincu de la culpabilité de son client quelques jours plus tôt, l'avocat se rend compte que le témoignage de Jesse suinte d'incohérence. Un expert en fausse confession explique même au cours du procès que l'audition du gamin est l'exemple même d'un interrogatoire guidé. Alors que l'ado de 17 ans dit avoir vu la scène à midi, le policier qui l'interroge lui suggère qu'il était plutôt 18 heures. L'enregistrement est la seule preuve contre les trois de West Memphis. Dans la salle, longiligne procureur John Fogelman a pris soin de disposer les trois petits vélos des victimes. Pendant 15 jours, les photos des corps mutilés des petits garçons sont montrées aux jurés et à la salle, alors que leurs proches se lèvent et quittent le tribunal souvent dans des cris de douleur. C'est le procureur Brent Davis qui conclut l'audience, brandissant la photo de l'une des petites victimes qu'il pointe vers le jury et le public. Vous voyez cette photo ? C'est le petit garçon mourant. L'accusé ne lèvera pas la tête. Il ne vous regardera pas. Mais les actions de l'accusé, pensez-y. Si l'accusé n'avait pas pourchassé Michael Moore, s'il n'avait pas couru dans le bois en le pourchassant pour le ramener, Michael Moore vivrait. Michael Moore rentrerait chez lui cette nuit-là. Ses parents seraient avec lui. Mais à cause des actions de cet accusé, à cause de ce qu'a fait Jesse Miskelly Jr., Michael Moore est mort, Stevie Branch est mort, et Chris Byers est mort. Et on ne peut pas revenir en arrière. À midi, le 4 février 1994, le jury a pris sa décision. Alors que le juge Burnett l'annonce, Jesse cache son visage entre ses mains. Il est reconnu coupable du meurtre des trois enfants. Condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle possible, il est jugé comme un adulte à seulement 17 ans. À la sortie, sous la huée des flashs d'appareils photo, les journalistes locaux tentent vainement d'interpeller l'adolescent. Lui se dirige vers la fourgonnette blindée qui le mènera vers le centre correctionnel de Pine Bluff. La mère de Christopher Byers, Melissa, et son père adoptif, John Mark, éructent. Jesse, pourquoi as-tu gardé la tête baissée tout le long ? Tu as quelque chose à déclarer ? Est-ce que tu l'as fait, Jesse ? Est-ce que tu l'as fait, Jesse ? Comment tu te sens tout de suite ? La prison n'est pas un lieu sûr, Jesse, mon cœur. Jesse, je vais t'envoyer une jupe par la poste. À la terre, il n'en reste que deux. J'espère qu'elle arrivera à la même chose au dessus-vent. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stolen many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment. Of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Février 1994. Devant le tribunal de Craighead County, les journalistes tendent leur micro à l'avocat de Jesse Miscellany, maître Dan Stidham. Son client, jugé un mois plus tôt, a choisi dans la nuit de ne pas témoigner à l'audience qui se tient aujourd'hui contre Damien Eccles et Jason Baldwin, coupables présumés du triple homicide de West Memphis. Des centaines de mètres de câbles électriques serpentent sur le parvis et dans la salle des pas perdus pour ce procès scruté par tout l'Arkansas. Après trois jours de sélection du jury populaire, Damien et Jason sont escortés dans la salle d'audience, protégés par des gilets pare-balles. Juste avant le début du procès, muni de ciseaux en plastique, une proche de la défense essayait de couper les cheveux noirs ébène de Damien. Le résultat loufoque accentue l'air rebelle de l'ado. Alors il tente de redorer son image en portant une chemise blanche. D'un côté de la salle, la famille des accusés, de l'autre, celle des victimes. À droite comme à gauche, ce sont des parents dévastés. L'avocat de Jason Baldwin prend la parole et décrit son client comme un élève studieux qui tient bon malgré un environnement familial et social difficile. L'avocat de Damien interroge le détective Ridge sur ce qui s'est passé la nuit de la disparition des trois enfants. Dans le restaurant Bojangles, un homme couvert de sang s'était retranché. Le détective Ridge avoue alors les échantillons de sang prélevés sur le mur ont été perdus. Le médecin légiste, lui aussi, est cuisiné par les avocats de la défense. Incapable de définir l'heure du décès des victimes, gêné, le docteur Peretti triture sa moustache et déclare que les meurtres ont dû survenir entre 1h et 7h du matin, une fourchette horaire qui ne colle en rien avec la confession de Jesse. Après plusieurs jours d'audience, la seule preuve contre Damien et Jason dont dispose la justice, c'est la confession fragmentée et orientée de Jesse. Quant aux témoignages de l'accusation, ils sont tous incohérents. Cela n'empêche pas l'avocat général John Fogelman d'être sûr du motif du crime. C'est un rite sataniste. Pour appuyer son scénario, il tente un coup d'éclat en appelant à la barre un expert des cultes sataniques. Le soi-disant Dr. Griffin, titulaire d'un doctorat d'expertise en secte à l'Université Columbia Pacifique. Extrait de l'échange entre le Dr. Griffin et l'avocat général Fogelman. En regardant les jeunes gens impliqués dans l'occultisme, voyez-vous un type particulier de vêtements, de bijoux ou de marques corporelles, quelque chose comme ça ? J'ai personnellement observé des personnes portant des ongles noirs. Leurs pantalons étaient teints en noir, ils portaient des t-shirts noirs, des salopettes noires, ce genre de choses. Parfois, ils se tatouent. Ensuite, ils utilisent des boucles d'oreilles avec des symboles occultes sur eux que vous pouvez acheter dans des maisons de vente par correspondance. Dans le sud des États-Unis, c'est comme ça, un look d'ado impertinent justifierait les pires crimes. L'Amérique de la fin des années 80 et du début des années 90 est marquée par une chasse aux sorcières. Alors que les films comme L'Exorciste ou les romans de Stephen King cartonnent auprès du jeune public, les forces de l'ordre américaines dénoncent des disparitions plus nombreuses et plus inquiétantes. Cette panique satanique est une aubaine pour les chrétiens fondamentalistes qui gonflent leur portefeuille avec des prêches contre le diable, soigneusement médiatisés et mis en scène. Les soi-disant experts du satanisme n'hésitent pas à faire l'amalgame entre fan heavy metal et criminel. Sous ces faux consultants se dissimulent en fait les born again Christians américains, comprenez, les américains évangéliques ultra pratiquants. En 1994, la même année que le procès de West Memphis 3, une VHS de prévention circule dans les commissariats. L'objectif est de déceler les signes de présence d'une secte satanique et éviter les crimes qui y seraient liés. Appelés Law Enforcement to Satanic Cult, de faux spécialistes homophobes et réactionnaires reconstituent des pastiches de scènes rituelles dans de ridicules scénographies. Les différents sites de rituels auront différentes configurations et marques. Mais cela vous donne un bon exemple de ce qu'il faut observer en premier. D'abord, avant d'entrer dans le parc, un pentacle et une croix inversée ont été inscrites. Deuxièmement, plus loin sur le chemin, nous avons trouvé un symbole vaudou, védique, qui indique un rituel lié à l'argent. Troisièmement, à l'entrée de la zone, un portail commun à l'activité satanique, nous avons trouvé des graffitis qui montrent une activité récente. En plus, nous avons trouvé un nœud coulant avec du sang et une fiole de xylocaïne. Fourth, quatrièmement, sur le chemin vers la sortie du parc, nous avons trouvé une autre croix inversée et le nombre 9 qui, comme nous l'avons démontré, fait écho aux 9 lois sataniques de la Bible satanique. Cinquièmement, et dernièrement, nous avons trouvé des signes sur le sol qui prouvaient que le rituel était conduit par des adeptes de l'église de Satan. Pendant l'audience de Damien et Jesse se pose toujours la question de l'arme de crime. Dans la salle, les réalisateurs du documentaire Paradise Lost filment l'audience. Joe Beringer et Bruce Silovsky réalisent pour la chaîne américaine HBO un film coup de poing sur l'affaire des Trois de Memphis. Ils ont eu l'autorisation, comme les chaînes locales, de filmer l'intégralité du procès. Mais le duo de réalisateurs devient acteur. Sur le terrain, avec les proches des victimes et des accusés depuis plusieurs semaines, le 8 janvier, ils envoient à la police un couteau que John Mark Brace, père adoptif de l'une des victimes, a offert au caméraman. Étrange présent que ce couteau qui comporte des traces de sang. « Je me suis coupé le pouce par erreur », se défend le père adoptif. Propos recevable selon le juge. Comme pendant le premier procès, l'accusation continue à brandir les photos des petites victimes. L'horreur des faits est martelée. Les alibis de la défense sont écartés par un procureur intransigeant, tandis que de fausses déclarations contre le West Memphis Three s'enchaînent à la barre, plus fumeuses les unes que les autres. Les avocats de la défense parviennent à démontrer tout de même que l'expert en sciences occultes, le docteur Griffin, a obtenu son doctorat par correspondance dans une université fantôme. Mais le procureur Fogelman n'en démord pas. L'accusé Damien possède une quinzaine de t-shirts noirs. La décoration de sa chambre se compose de crânes d'animaux. Il écoute du heavy metal. D'autres preuves de sa culpabilité sont-elles nécessaires? West Memphis se mue en un nouveau Salem. Le meilleur exemple de cette hystérie religieuse reste le délirant John Mark Byers, père adoptif de l'une des victimes, Christopher. Très peu interrogé par la police, pourtant doté d'un gros passé judiciaire et d'une histoire psychiatrique lourde, il intervient souvent dans le documentaire Paradise Lost. Dans cet extrait, le fervent chrétien de 2 mètres de haut revient sur les lieux du crime. Pour moi, ce lieu où je me tiens est comme l'enfer sur Terre. Parce que je sais que 3 bébés ont été tués là où je me tiens. Je sais que mon fils a été castré et laissé ici et a saigné jusqu'à la mort. Jesse Meskelier Jr., Jason Baldwin, Damien Eccles, j'espère que le diable, votre maître, vous prendra bientôt. Je veux que vous le rencontriez très bientôt. Et le jour où vous mourrez, je vais prier Dieu et je vous fais une promesse. Le jour de votre mort, chaque année, le 5 mai, je viendrai sur votre tombe. Je vous cracherai dessus. Je vais maudire le jour de votre naissance. Et je suis sûr que j'aurai à utiliser d'autres fonctions de mon corps que je laisserai aller sur votre tombe. Je vous promets avec Dieu comme témoin, je viendrai sur vos 3 tombes. C'est dans cette folie propice au lynchage que Damien et Jason sont jugés pendant 3 semaines en février 94. Le suspect numéro 1, considéré comme le meneur, est appelé dans le box des témoins. Après avoir affirmé qu'il était un fidèle de la religion Wicca, croyance païenne aussi appelée magie blanche, déclaration qui n'améliore pas son cas, Eccles s'est interrogé par son avocat sur le contenu de son journal intime. Sur le carnet noir est dessiné un pentacle encerclé, une étoile symbole sataniste que tout ado de sa génération a au moins griffonné une fois. La vie n'est qu'une ombre qui marche. Elle est un conte raconté par un idiot, plein de sons et de fureurs qui ne signifient rien. Cela vient du songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Le noir le plus pur paraît clair. J'ai bientôt fini mon travail ici. Essaye de revenir à moi comme les choses étaient autrefois. Celle-ci vient d'une chanson de Metallica qui s'appelle « Et justice pour tous ». Elle parle du fait que le système judiciaire est tordu. Des trucs comme ça. Le 5 mai, avez-vous tué Michael Moore? Non. Le 5 mai, avez-vous tué Stevie Branch? Non. Le 5 mai, avez-vous tué Chris Byers? Non. Avez-vous déjà participé à des sacrifices humains dans votre vie? Non, jamais. le 17 mars 1994. Après 17 jours d'un procès qui a fait les choux gras de la presse locale, les histoires de satanisme font vendre. Le procureur Fogelman se lève et présente son argument final au jury. En pointant du doigt l'accusé Damien Eccles, il conclut. Vous voyez cette personne? Regardez en elle. Il n'y a pas d'âme là-dedans. Le lendemain, 18 mars, à 15h30, le jury informe le juge Burnett que sa décision est prise. Damien et Jason sont amenés dans la salle. Les deux meilleurs amis sont jugés coupables des trois meurtres. L'un est condamné à la prison à vie, l'autre, Damien, à la peine de mort. Le juge Burnett annonce que Damien sera exécuté le cinquième jour de mai 1994 et il déclare « Un responsable administrera à votre corps une injection intraveineuse d'une quantité mortelle d'un barbiturique à action ultra rapide en association avec un agent paralytique chimique jusqu'à votre mort. » À la sortie, les deux adolescents sont accueillis par les cris de haine et le désespoir de leurs proches. Les citoyens de West Memphis exultent. « Où est ton dieu, Damien ?» hurle l'une. « Tu vas frire !» rétorque l'autre. Les Hobbs, les Byers et les Moore félicitent la décision. Les trois de West Memphis feront appel en vain. Alors que l'affaire n'avait que très peu franchi les frontières de l'Arkansas, après la sortie du documentaire sur la chaîne HBO, Paradise Lost, très critique envers le jugement, deux Amériques commencent à s'affronter. La première, progressiste, rejette l'obscurantisme des États du Sud. L'autre dénonce les grandes villes ultra-permissives et lieux de débauche. Dans le couloir de la mort, Damien Eccles reçoit de nombreuses lettres. Parmi elles, celle de Laurie David, sa future épouse. Elle crée un comité de soutien, le Free the West Memphis Free Support Fund. Objectif, lever des fonds pour que les trois ados devenus jeunes adultes puissent être défendus par des avocats efficaces. Un médecin légiste se joint à eux, étudie de nouveau le dossier, conteste les rapports qu'il contient. Un site internet est mis en ligne. Les stars du rock s'identifient aux trois accusés désormais condamnés. Parmi elles, Eddie Vedder, le guitariste de Pearl Jam, Robert Smith, chanteur de The Cure, ou encore l'égérie punk Henry Rollins. Libérer les trois de West Memphis. Sous ces titres, deux compilations voient le jour, une tournée de soutien également, avec sur scène Iggy Pop ou Tom Waits. Et puis Patti Smith, l'acteur Johnny Depp et Eddie Vedder offrent un trio. Heureusement, je vais laisser la guitare au garçon. Et nous aimerions dédicacer cette petite chanson à Damien. Nous sommes avec vous, mon frère. En 2005, avec le soutien de Peter Jackson et Frank Walsh, les deux réalisateurs néo-zélandais du Seigneur des Anneaux, la somme collectée est suffisante pour effectuer un nouveau test ADN sur les lacets et les morceaux de tissu retrouvés sur les lieux du meurtre des trois enfants. Et puis, en juillet 2007, de nouveaux indices sont présentés. Dans un rapport émis conjointement par l'État de l'Arkansas et les avocats de la défense, il est mentionné « Bien que presque tout le matériel génétique recueilli sur la scène de crime appartienne aux victimes, une partie ne peut pas être attribuée ni aux victimes ni aux accusés. » Toujours est-il que le 19 août 2011, les trois ados sont libérés après 18 ans de prison. Devenus des adultes de 34, 35 et 37 ans, ils témoignent, bouleversés évidemment, après une demi-vie derrière les barreaux. Mon nom est Damien Eccles, j'ai 36 ans et j'ai été libéré aujourd'hui du couloir de la mort d'un crime que je n'ai pas commis. Vous savez, cela a duré pendant 18 ans et ça a été un enfer absolu. Depuis le début, nous n'avons dit rien d'autre que la vérité, que nous étions innocents et ils nous ont envoyés en prison pour le reste de notre vie. Ils nous ont dit, on vous laissera partir seulement si vous plaidez coupable et ce n'est pas une vraie justice selon moi. Je veux remercier Jason publiquement également. Je veux lui faire savoir que j'ai conscience de ce qu'il a fait, qu'il voulait continuer à se battre, qu'il n'a jamais voulu abandonner. Et j'ai conscience qu'il l'a fait pour moi. Enfin, si en 18 ans, les trois copains de West Memphis se sont entreaperçus lors des appels, ils sont restés solidaires et ont toujours refusé de témoigner les uns contre les autres. Alors que le ou les véritables coupables du triple homicide n'ont toujours pas été retrouvés 26 ans après les faits, la tuerie de West Memphis a bien fait 6 victimes. Les trois petits garçons, d'abord, Michael, Christopher et Steve, et les trois ados jetés en prison. Le 19 août 2011, le juge de l'audience de leur libération conclura par ces mots. Je ne pense pas que cette décision effacera la peine des familles des victimes. Je ne pense pas que cela effacera une minute les 18 années que ces trois jeunes hommes ont passées ici. Mais, parfois, l'aide extérieure est une aide considérable. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, les trois de West Memphis, l'histoire d'aujourd'hui, dont nous allons parler avec notre invité Gilles Garrigos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les studios de Radio France à Lyon, vous êtes journaliste spécialisé en actualité musicale. Au moment de la mobilisation dans les années 2000 pour cette histoire, vous avez créé l'antenne française pour tenter de faire libérer les West Memphis Free et un site internet pour collecter des fonds afin de soutenir ces trois jeunes. Alors évidemment, si je vous demande pourquoi un tel investissement, j'imagine que vous me répondrez que vous avez voulu combattre une injustice, certes, mais pourquoi cette affaire-là ? Cette affaire-là, parce qu'elle était tout à fait liée à un aspect musical, auquel j'étais évidemment hypersensible, et puis que c'était une affaire complètement hors norme, déjà avec le fait qu'il y ait eu 3 crimes de 3 jeunes enfants, qu'il y ait 3 accusés, qu'il y ait une condamnation à mort, et que toute l'affaire soit montée autour d'une soi-disant accusation de satanisme. Donc voilà, cet aspect hors norme des choses a déjà attiré l'attention et puis la curiosité et l'envie en fait de d'avoir plus d'informations et de finalement participer à essayer de faire émerger une vérité qui a priori semblait pas évidente. Non. Quels ont été les échos en France de cette mobilisation ? Vous avez été soutenu ? Si oui, par qui ? Non, on va être clair. les échos en France ont été très mesurés. Il y a quelques dans la presse un petit peu des éléments qui sont sortis. Il y avait un magazine très rock qui s'appelle Abus Dangereux qui avait fait un premier article au moment de la sortie d'une compilation, alors qui était la deuxième, qui est sortie en 2002 et qui avait été justement initiée par Henry Rollins dont vous parliez dans le document. Donc quelques-uns sont intéressés à l'affaire, se sont intéressés surtout aux côtés justement de soutien de la scène musicale américaine à ces jeunes gens, mais on va dire que même les efforts qu'on a pu faire, le fait de créer un site internet, le fait de justement, moi j'avais rédigé un article également dans Rock and Folk pour essayer de susciter l'envie de se mobiliser un petit peu, on va dire que c'est resté très très mesuré. Alors, en défendant ces 3 jeunes, vous faites aussi, tous ceux qui défendent ces 3 jeunes font aussi le procès d'une idée reçue extrêmement grave, extrêmement dangereuse, selon laquelle, dès lors qu'on écoute du heavy metal, on est dangereux, quoi, et on peut commettre un crime. Alors, évidemment, ça ne se voit pas en France, enfin, je ne sais pas, mais apparemment non, mais là, dans cette Amérique-là, c'est ça le problème aussi, évidemment. Alors oui, dans cette Amérique-là, c'est sûr. Il y a cette perception que le diable, que Satan, c'est quelque chose de très tangible et que il est là vraiment à l'œuvre, au travail, et qu'il est en train d'essayer de pervertir la jeunesse par tout un tas de moyens, dont la musique rock est une des expressions, et ça depuis le début de l'arrivée du rock, mais ça se disait déjà également du blues précédemment. En tout cas, aux États-Unis, c'est bien le cas, en sachant que c'est toujours dans certains milieux, bien sûr, très sensible aux thématiques religieuses et très réactionnaires. En même temps, en France, on a eu exactement les mêmes soucis, les mêmes visions, des documentaires aussi qui ont été projetés à la télévision française, qui accusaient également les jeunes gens qui écoutaient du métal d'avoir des penchants satanistes et qui pouvaient les mener à faire des choses atroces, horribles, alors que ça pouvait commencer par juste rentrer dans un cimetière pour renverser les croix, jusqu'à éventuellement brûler des églises ou attaquer des prêtres. Voilà, il y a des gens qui prennent au premier degré des titres de chansons aussi connus, comme The Last Empathy for the Devil, que les Stones ont reprises. Après, évidemment, il faut simplement savoir lire entre les lignes, pas prendre ça au premier degré. C'est ça, et puis mesurer l'aspect provocation de gens qui ont envie aussi d'être transgressifs, voilà, et sans que ça aille bien plus loin, en fait, finalement, que d'être là pour s'affirmer et puis rejeter peut-être certaines idéologies aussi ou visions du monde. Aux États-Unis, qui sont les artistes, alors j'en ai cité quelques-uns, peut-être en ai-je oublié, qui se sont mobilisés pour ces 3 jeunes. Alors, on va dire que les 3 principaux, au final, sur les artistes musicaux, c'était Eddie Vedder, donc, que vous avez cité, oui. Henry Rollins. Il y avait aussi Natalie Maines, qui est la chanteuse des Dixie Chicks, qui est un très gros groupe de country rock américain, un groupe féminin, qui a un impact énorme et qui s'est, elle aussi, fortement engagée. Et puis Marilyn Manson, qu'on a entendu, il me semble, tout à l'heure, qui lui aussi a beaucoup soutenu la cause, notamment en amenant beaucoup de financement, sans trop s'afficher et sans trop en rajouter. Et lui, il n'a pas mis en place des tournées ou organisé des disques de soutien, mais par contre, il a été un gros financeur. Et que Patti Smith se retrouve ponctuellement, enfin, elle était là quand même pour défendre les trois jeunes, j'imagine que ça ne vous étonne pas. Quand on connaît cette femme et cet artiste, hein, et sa exactement. Confiance. Ouais. Son engagement, voilà, puis ça, de tout temps, ça a été quelqu'un qui a été très progressiste et qui a voulu plutôt ouvrir les yeux des gens que, voilà. Donc, aux États-Unis, elle a une parole forte, et donc c'était très, très important qu'elle s'engage aux côtés du groupe de soutien. Dans le documentaire sur l'affaire, documentaire de Peter Jackson sorti en 2012, une jeune femme de la côte ouest affirme que si les trois garçons avaient été jugés en Californie, leur sort aurait été différent. Alors peut-être, mais on l'a évoqué, on a l'impression quand même qu'il y a deux Amériques qui s'opposent, et y compris dans cette affaire, parce que j'imagine que dans l'Arkansas, tout le monde ne criait pas à mort. Mais il y a quand même, il y a deux Amériques, il y a deux pensées. Exactement. Il y a une Amérique très réactionnaire, très fondamentaliste, qui suit les préceptes les plus réactionnaires de l'Église, hein, parce qu'il y a des églises qui sont également très progressistes aux États-Unis. Et puis il y a une Amérique qui est plus ouverte, plus sensible à la diversité, qui est capable d'entendre que des gens peuvent être dans la provocation sans être dans le blasphème ou dans la volonté de nuire absolument à d'autres groupes de la population. Donc oui, c'est toute cette complication qu'on voit un petit peu partout aussi. L'Amérique, c'est assez exacerbé. Il y a des zones, on va dire, qui sont fortement influencées par tel ou tel groupe de pression. Mais on peut retrouver ça quand même dans pas mal de pays. Bien sûr. Il y a un côté chasse aux sorcières, alors des années 50 à Hollywood, c'était une réalité, mais c'était une formule, chasse aux sorcières, mais qui renvoie à des temps anciens, la vraie chasse aux sorcières. Vous avez ce sentiment-là aussi, vous ? Oui, complètement. Le procès lui-même, il a été vraiment fait sur les bases du satanisme et d'essayer de montrer que c'était des monstres, en fait. Ce que dit John Fogelman, que vous avez évoqué dans le document également, où il dit, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme là-dedans. La tête de Damien, il n'y a pas d'âme là-dedans. Voilà, c'est son seul argument au final, qui sur lequel il souhaite appuyer les choses et convaincre le jury, c'est cet aspect-là, c'est des monstres. Alors, on va passer à la justice américaine, qui ne fonctionne pas sur le même mode opératoire que la nôtre. On va écouter une archive, alors c'est le témoignage de Damien Nichols, hein, à la sortie de son livre autobiographique, écrit en 2014, avec un superbe titre, c'est « La vie après la mort ». Effectivement, tout est dit. Interviewé sur France Inter, il parle des arrangements qu'il a dû faire pour obtenir sa libération. Eh bien, tout ça a été fait pour que l'État ne soit pas tenu pour responsable de mon emprisonnement. On a passé un accord. C'est un Alford plea. C'est vraiment un système américain. Ce que ça signifie, c'est que vous êtes innocent, mais en même temps, vous acceptez de plaider coupable. Donc, on a fait un documentaire, et on a montré dans le documentaire où le procureur a dit que, en fait, moi-même et mes autres coprisonniers, on aurait pu poursuivre l'État pour 60 millions de dollars. Et c'était leur boulot de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire ça. Et donc, leur travail, c'était de mettre en place un accord pour qu'on puisse pas le faire. Et voilà. Et eux, ils voulaient pas payer 60 millions de dollars. Et moi, je voulais garder ma santé. Voilà. On appelle ça l'Alford plea, le plaidoyer Alford, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Et donc, oui, bah, allez-y. C'est un truc assez particulier, qui est assez étrange. C'est-à-dire que, effectivement, d'un côté, on a l'État qui reconnaît que les accusés ont suffisamment d'éléments pour éventuellement se faire acquitter lors d'un second procès. Et en même temps, les accusés qui, eux, reconnaissent que l'État a, lui, suffisamment d'éléments pour éventuellement les faire recondamner, et donc du coup, deal pour tout le monde, et puis les accusés maintiennent qu'ils sont innocents, par contre ils plaident coupables, de façon à ce qu'il y ait un accord qui soit proposé par le juge. Et c'est ce qui s'est passé. Il l'a proposé, en fait, de les condamner à la peine qu'il venait déjà d'accomplir. Voilà, ce qu'il est libéré. Ce qu'il est libéré, évidemment. Exactement. Alors, par contre, c'est important de noter, je rajoute juste ça vite fait, c'est que il reste quand même sous le coup d'une peine de sursis. C'est-à-dire qu'ils ont encore 10 ans de sursis, si toutefois ils se mettaient à faire quelques entraves à la loi, et ils pourraient se retrouver tout à fait en prison encore pour 10 ans. Alors, il y a une galerie de personnages dans cette histoire, on va pas les passer tous les uns après les autres, d'ailleurs on n'aurait pas le temps. J'aurais m'arrêter sur Mark Byers, vous savez, le beau-père. Hein. Mm-hmm. Il est assez fascinant, même un peu assez effrayant aussi, très médiatisé, personnage central de Paradise Lost, le documentaire. Il a longtemps refusé de faire des tests ADN, hein, je crois, n'a pas été interrogé dans les règles de l'art par les enquêteurs. Qui est cet homme ? C'est assez difficile en fait de le cerner. Faut quand même voir que au-delà de la mort de son beau-fils, il a également sa femme donc qui est décédée 2 ans après l'affaire dans des circonstances assez troubles également. Donc c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est suicidée? Elle a disparu? Elle est morte avec une prise de médicaments un peu trop importante. Voilà. Ouais. Donc c'était quand même particulièrement étrange, sachant qu'il y avait des accusations un peu de violence domestique envers elle. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, Mark Byers, dans le second documentaire de HBO, il devient un peu la figure centrale et puis la tête de Turc, et tout tend en fait à l'accuser des crimes. Et en fait, étonnamment, quelques années après, c'est devenu un soutien fort au West Memphis 3, indiquant que non, finalement, ils s'étaient complètement trompés depuis le début et qu'effectivement, ils étaient innocents. Donc, c'est un personnage très, très ambivalent. C'est intéressant d'ailleurs parce que il représente en fait la justice des hommes qui peut se tromper, qui ne devrait jamais se tromper parce qu'évidemment l'erreur judiciaire est terrible. Mais voilà, et puis quelques années après, comme peut le faire la justice, oui, on s'est trompé. Peut-être qu'il symbolise tout ça, ce type-là. Oui, il peut symboliser ça, sachant qu'il reste encore sur la sellette malgré tout. Non, cette affaire est très très complexe et elle est certainement pas terminée. Dites-moi alors justement, puisque vous dites qu'elle n'est pas terminée, ces trois gamins. Alors, on parlait de monstres tout à l'heure, effectivement, celui ou ceux qui ont tué ces trois gamins, et de cette façon-là, sont des monstres, pas forcément envoyés par le diable, enfin, c'est des monstres. Donc, vous avez une conviction, vous, d'abord, est-ce que l'enquête a un petit peu avancé? Pas vraiment, puisque, toutes les autorités ont décidé que finalement, avec l'Alford Plea, les accusés ont plaidé coupables, donc désormais c'est terminé, il n'y a plus d'enquête. L'affaire est réglée. Bon, bah, parce que s'il y a des enquêtes, elles doivent être menées par des instances, on va dire, indépendantes de la justice, donc des enquêteurs privés, etc. Et c'est ce que font les groupes de soutien au West Memphis 3. Ils essayent quand même d'arriver à une exonération qui soit quand même annoncée comme innocent au final. Alors, dans toute cette histoire tellement sombre, il y a quand même un petit côté happy end. Damien Eccles a trouvé l'amour, hein, le grand amour même, alors qu'il était dans le couloir de la mort, c'est ça? C'est ça, exactement. Vous pouvez nous raconter en quelques secondes? Bon, en fait, Laurie Davis est une des personne qui va envoyer un courrier à Damien Eccles. Elle va l'envoyer un courrier un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle va s'excuser auprès de lui de le déranger, de rentrer dans son intimité, alors que c'est vrai qu'il avait plutôt l'habitude de recevoir des courriers où les gens en faisaient des caisses et puis essayaient de lui poser des questions, de savoir comment ça allait, etc. etc. Ouais. Et voilà, elle lui envoie un courrier très très humble, très « je suis désolé de te déranger », mais par contre, voilà, ayant vu le documentaire, je suis bouleversé, voilà. Et puis du coup, la liaison va se faire très rapidement. Damien lui répond, il commence à échanger des lettres de façon très très un rythme effréné. Et puis voilà, finissent par se téléphoner, se rencontrer et ils se marient. Bon, il voilà. Y avait rien mieux pour lui pour sortir de l'enfer que l'amour, c'est connu. Bah, on va finir là-dessus, hein, au moins on va finir sur une note un peu moins sombre. Merci infiniment merci en tout cas pour vos éclairages et vos précisions. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les trois de West Memphis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. Et merci à Patrick Henry qui était à la technique aujourd'hui.